Alors, ce soir, à travers les paroles de Moïse, Dieu lui-même exprime son souhait. Donc, je ne sais pas si vous avez bien écouté cette première lecture où on parle de Moïse. Donc, Moïse, avec le peuple qu'il est en train de faire sortir de la terre d'esclavage, donc de l'Égypte, et il la conduit tranquillement vers la terre promise. Et petit à petit, Dieu associe d'autres anciens, d'autres personnes à la grâce qui était pour l'instant concentrée en Moïse. Dieu, ce qu'il donnait à un, veut finalement le donner à plusieurs. Et lorsque le texte dit, encore une fois, qu'il prit une part de l'esprit de Moïse pour le répandre sur d'autres, sur 70 autres, il y en a deux qui reçoivent l'Esprit Saint en dehors du camp et qui se mettent à prophétiser en dehors du camp. Et puis là, Josué, donc disciple fidèle et fervent de Moïse, dit, « Seigneur, arrête-les. » Il prophétise alors qu'il n'était même pas avec nous autres. Et là, Moïse dit une phrase intéressante, « Serais-tu jaloux pour moi? » Ah, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux tous pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Tout son peuple, un peuple de prophètes. Derrière cette prière de Moïse, au fond, c'est Dieu qui exprime son souhait. Lorsque Dieu choisit une personne, c'est au fond pour faire ce bien à plusieurs autres. Lorsque Dieu choisit un peuple, c'est pour bénir tous les peuples. Hein, c'était pour ça que Dieu avait choisi le peuple juif, le peuple d'Israël. Il avait choisi une nation, mais pas pour la mettre à part au point de chérir cette nation-là et de mépriser toutes les autres nations. C'était pour chérir beaucoup cette nation-là et puis à travers cette nation qui avait comme été rééduquée à aimer Dieu, apprendre à toutes les autres nations à partir d'elle à aimer le Seigneur. Mais le drame, souvent, ce qui est arrivé au peuple juif, ce qui arrive là aux amis de Moïse et ce qui nous arrive un peu à nous tous aussi, lorsqu'on est chéri par Dieu, tout à coup, on se met à s'emballer un petit peu, puis à être tout content et à dire, ben, tout ça, c'est pour moi, mais que pour moi. Alors que non. Dieu veut me bénir, me chérir, mais pour aussi chérir les autres, pour que je partage cette grâce avec les autres. Et finalement, que toute l'humanité devienne une humanité bénie et chérie de Dieu. Ce qui est vrai là est vrai aussi donc dans l'Évangile. Hein, le premier texte est de l'Ancien Testament, mais on voit qu'au temps de Jésus, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc Jean, l'un des douze, dit à Jésus, « Maître, on a vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. » Et on a voulu l'empêcher parce qu'il ne nous suit pas. Il n'est pas immédiatement de ceux qui marchent à côté de nous. Et là, qu'est-ce que Jésus lui dit? Un peu la même chose. Ne l'empêchez pas. Il fait du bien. Va pas arrêter quelqu'un qui fait du bien. Qui n'est pas contre nous et pour nous? Notre cause commune à tous, c'est de quoi? C'est faire du bien. C'est faire aimer Dieu. C'est guérir les blessures. Quelquefois, cette attitude-là, de l'apôtre Jean ici ou de Josué dans l'Ancien Testament, elle nous guette encore aujourd'hui en Église. Des fois, on est tout content que Dieu fasse du bien par nous, mais tout à coup, on s'attriste que Dieu fasse du bien par d'autres, par un autre ici de la paroisse ou par d'autres de d'autres groupes, par une autre communauté, par une autre paroisse, par un autre pays. Puis au lieu de se réjouir du bien que Dieu fait par un autre, on s'attriste. Ou, pareillement, hein, le pape a eu une rencontre aussi avec des gens de d'autres dénominations religieuses ou d'autres chrétiens. Des fois, on s'attriste que d'autres chrétiens annoncent avec succès le nom de Jésus. Ben, il ne faut pas s'attrister. Si Jésus est annoncé et mieux aimé, et si à cause de ça, certains laissent leur dépendance, laissent leur violence, laissent leur tout ce qui est un peu tout croche dans le cœur, ben merci Seigneur, il y a un peu moins de mal dans le monde. Merci Seigneur. Hein, Jésus dit qui n'est pas contre nous et pour nous. On travaille à une même cause, celle de rendre le cœur humain bon. Donc, Dieu veut faire de nous un peuple de saints et de prophètes. Qui parmi vous a été baptisé? Levez donc la main. Bon, il y en a pas mal. Bon, pour les autres, vous savez qu'il y a des parcours de cheminement vers le baptême. Vous pourrez vous informer à Pedro. Mais vous tous qui êtes baptisés, savez-vous que votre baptême vous a configuré à Jésus, prêtre, prophète et roi? Donc j'ai devant moi une assemblée, bon, vous voyez deux prêtres ici, mais au fond, moi je vois une assemblée de petits prêtres, ou de prêtresses, on pourrait dire. Dans quel sens? C'est-à-dire que vous êtes habilités à offrir des offrandes sacrées au Seigneur. C'est quoi cette offrande sacrée-là? Eh bien, c'est d'abord votre vie, c'est vos paroles, c'est vos gestes, c'est tous vos actes bons. On est tous un peuple de prêtres. Prophètes. Il n'y a pas juste le prêtre qui annonce la parole. Hein. Vous aussi, et je le vois bien, souvent vous faites du bien les uns aux autres, vous parlez à vos amis, et je sais que tantôt il y en a qui vont descendre au bistrot, qui vont jaser entre eux, et je sais que certains vont avoir des belles paroles édifiantes, et même des fois des paroles inspirées un peu par le Seigneur, des paroles de lumière. À ce moment-là, vous exercez votre baptême et vous exercez votre rôle de prophète. Oui, comme Moïse, je fais mienne sa prière, comme j'aimerais que vous soyez tous des prophètes dans votre famille, dans votre travail, avec vos voisins, avec ceux à qui vous faites des loisirs, du sport. Hein, des gens qui brillent d'une lumière qui vient d'ailleurs. C'est ce à quoi on est appelé par notre baptême. Et des rois. Donc j'ai devant moi des fils et des filles de rois. Je devrais même m'incliner devant vous. Hein. Ô messieurs et mesdames, je me mets à votre service. Et c'est vrai, c'est pas juste la figure de style. Le sacerdoce du prêtre est à votre service pour que vous deveniez des vrais rois et des vraies reines. C'est-à-dire des gens maîtres de votre cœur, maîtres de vos passions aussi, maîtres des fois que ce que pourrait avoir tendance à vous commander et à nous commander, à nos sentiments, notre corps. Je ne sais pas si vous avez entendu comme moi la deuxième partie de l'Évangile. Ça chauffe un peu, hein? Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Mieux vaut entrer manchot. Hein, manchot, dans le royaume, qu'avec tes deux mains, mais te ramasser dans la GN. La GN, c'est quoi? C'était le dépotoir incinérateur autour de la ville sainte. Donc, c'est une image biblique que Jésus utilise. Donc, c'est un lieu où on fait brûler les vidanges, ce qui n'a pas de valeur. Donc, il nous dit, plutôt que de te ramasser avec tes deux mains là où ça n'a pas de valeur, ben, coupe ta main. C'est une figure de style, hein? Donc je veux pas qu'ici, il n'y ait pas de couteau à la sortie pour trancher les mains. Donc, c'est une figure de style forte qui poigne. Mais au fond, je reviens à ce que je disais tantôt, on est fils et filles de rois. Eh bien, dans un royaume, c'est le roi qui commande, ou c'est tous les petits sujets fidèles ou infidèles, justement? Eh bien, dans nos vies, c'est une vraie et bonne question. Si c'est moi qui est roi de ma vie, pourquoi c'est ma main qui déciderait de ce que je vais faire? Ou pourquoi c'est mon cœur, c'est mon, bon, le cœur, c'est pas pire, là. Ça commence à être bon. Hein, que le cœur décide un peu plus. Mais le cœur éclairé par l'intelligence, par cette lumière qui vient de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, nos sentiments ne nous conduisent pas à bonne place. Hein, je peux me mettre à bouillonner de colère, là, tout à coup. Donc, si je m'écoutais, là, peut-être, hein, je me mets à bouillonner, là, à l'intérieur, puis je dirais un paquet de bêtises à telle personne. Est-ce qu'il faut que j'écoute à ce moment-là mon feeling, selon vous? Est-ce qu'il faut tout le temps écouter son feeling? Des fois oui, des fois non. Hein, si mon feeling me conduit à faire une injustice, peut-être, mais je suis mieux de couper ma langue, c'est-à-dire de retenir ma langue dans cette situation-là. Pareil, si mon poing a envie de fesser quelqu'un, je suis peut-être mieux de, pour l'instant, couper mon poing, c'est-à-dire de retenir l'élan qui m'entraînerait à frapper. La même façon, et de prendre d'autres exemples, donc le pied, hein, si mon pied vous entraîne au péché, c'est-à-dire si je me ramasse tout le temps dans des lieux où je sais que si je vais là, c'est clair, je vais glisser, puis je vais me péter la gueule, je vais tomber. Je vais pécher au sens que je vais rater la cible du bonheur vrai. Petit exemple banal pour un alcoolique. Si il se dit, si les pieds ont envie de s'en aller voir les potes au bord du coin, ben, il faut peut-être qu'ils disent, non, je vais retenir mes pieds, puis ce soir, ce vendredi, là, j'irai pas au bord du coin. Parce qu'au fond, ce que je veux pas, c'est pas le bar, c'est pas mauvais en soi, le bar. Mais ce que je veux pas, c'est dépasser la mesure, tomber dans ma fragilité d'alcoolisme. Jésus donne un autre exemple, hein, l'œil. Si votre œil vous entraîne à pécher, donc par la convoitise, entre autres, eh bien, arrache ton œil. Alors, je me dis, aujourd'hui, avec notre société un peu pornographique, il y aurait beaucoup d'aveugles si on arrachait tous les yeux. Ici, on va enlever tous les yeux de ceux qui ont été un petit peu trop dans la convoitise, dans le regard. On serait tous des aveugles. Mais en fait, le Seigneur nous invite à éduquer nos membres. C'est-à-dire, pas juste les cadenasser, pas juste les retenir. Parce qu'au fond, tout ça, notre corps, notre cœur, nos yeux, nos membres, ont été faits par Dieu. Mais il nous invite à les orienter, à les tourner, à l'orienter, ça vient du mot « orient », tourner vers l'Orient. L'Orient, dans la Bible, c'est le lieu d'où vient la lumière. Donc, orienter nos membres, ça veut dire les tourner vers la lumière. Les tourner vers Dieu qui est lumière. Donc, hein, tantôt, avec nos mains, qu'est-ce qu'on a fait dans le chant d'entrée? Avec notre bouche, on a chanté avec nos mains. Certains, on a tapé dans les mains. Mais oui, merci Seigneur, nos mains sont faites pour louer Dieu. Elles ne sont pas faites pour frapper mon voisin. Pareil, nos yeux sont faits pour connaître, pour voir la splendeur des paysages, ces temps-ci, là, les feuilles deviennent de plus en plus ravissantes, les paysages d'automne arrivent. Oui, rassasiez-vous. Lorsqu'on a des tentations de voyeurisme, apaisons notre désir de connaître, de voir le beau en contemplant la belle nature. Parce que la nature, on ne peut pas la capter et la garder juste pour soi. Ce que des fois on peut faire lorsqu'on regarde mal des gens dans leur nudité. Demandons à Dieu la grâce qu'il guérisse et qu'il oriente, c'est-à-dire qu'il tourne tous nos membres, tous nos sens vers le beau, le vrai, le bien. Encore une fois, le désir profond de Dieu, c'est que nous soyons tous des prêtres, des prophètes, des rois. C'est ce que je nous invite à demander ce soir. C'est ce que Jésus va faire. Hein, il va venir dans l'Eucharistie. On va lui demander, lorsque vous le recevrez, là, dites-lui, oui Seigneur, fais de moi ce soir un petit prêtre, un petit prophète, et fais de moi vraiment un fils et une fille de roi, fils de lumière, fille de lumière. Amen.